Molle Flanders, 13e partie. Je commençais maintenant à m'arrondir, et les personnes chez qui je logeais m'en firent la remarque, et, autant que le permettait la civilité, me firent comprendre qu'il fallait songer à partir. Ceci me jeta dans une extrême perplexité et je devins très mélancolique, car en vérité, je ne savais quel parti prendre. J'avais de l'argent, mais point d'amis, et j'avais chance de me trouver sur les bras un enfant à garder, difficulté que je n'avais encore jamais rencontrée, ainsi que mon histoire jusqu'ici le fait paraître. Dans le cours de cette affaire, je tombai très malade, et ma mélancolie accrut réellement mon malaise. Mon indisposition se trouva, en fin de compte, n'être qu'une fièvre, mais la vérité est que j'avais les appréhensions d'une fausse couche. Je ne devrais pas dire les appréhensions, car j'aurais été trop heureuse d'accoucher avant terme. Mais je n'aurais pu même entretenir la pensée de prendre quoi que ce fût pour y aider. J'abhorrais, dis-je, jusqu'à l'imagination d'une telle chose. Cependant, la dame qui tenait la maison m'en parla et m'offrit d'envoyer une sage femme. J'élevai d'abord quelques scrupules, mais après un peu de temps j'y consentis, mais lui dit que je ne connaissais point de sage-femme et que je lui abandonnais le soin de l'affaire. Il paraît que la maîtresse de maison n'était pas tant étrangère à des cas semblables aux miens que je pensais d'abord qu'elle fût, comme on verra tout à l'heure. Et elle fit venir une sage-femme de la bonne sorte, je veux dire de la bonne sorte pour moi. Cette femme paraissait avoir quelque expérience dans son métier, j'entends de sage-femme, mais elle avait aussi une autre profession où elle était experte autant que femme du monde, sinon davantage. Mon hôtesse lui avait dit que j'étais fort mélancolique et qu'elle pensait que cela m'eût fait du mal, et une fois, devant moi, lui dit « Madame B., je crois que l'indisposition de cette dame est de celle où vous vous entendez assez. Je vous prie donc, si vous pouvez quelque chose pour elle, de n'y point manquer, car c'est une fort honnête personne. » Et ainsi, elle sortit de la chambre. Vraiment, je ne la comprenais pas, mais la bonne vieille mère se mit très sérieusement à m'expliquer ce qu'elle entendait, sitôt qu'elle fut partie. « Madame, dit-elle, vous ne semblez pas comprendre ce qu'entend votre hôtesse, et quand vous serez au fait, vous n'aurez point besoin de lui laisser voir. Elle entend que vous êtes en une condition qui peut vous rendre vos couches difficiles, et que vous ne désirez pas que cela soit publiquement connu. Point n'est besoin d'en dire davantage, mais sachez que si vous jugez bon de me communiquer autant de votre secret qu'il est nécessaire, car je ne désire nullement me mêler dans ces affaires, je pourrais peut-être trouver moyen de vous aider, de vous tirer de peine et de vous ôter toutes vos tristes pensées à ce sujet. » Chaque parole que prononçait cette créature m'était incordiale et me soufflait jusqu'au cœur une vie nouvelle et un courage nouveau. Mon sang commença de circuler aussitôt, et tout mon corps fut transformé. Je me remis à manger, et bientôt j'allai mieux. Elle en dit encore bien davantage sur le même propos. Et puis, m'ayant pressé de lui parler en toute franchise, et m'ayant promis le secret de la façon la plus solennelle, elle s'arrêta un peu, comme pour voir l'impression que j'avais reçue et ce que j'allais dire. Je sentais trop vivement le besoin que j'avais d'une telle femme pour ne point accepter son offre. Je lui dis que ma position était en partie comme elle avait deviné, en partie différente, puisque j'étais réellement mariée et que j'avais un mari, quoiqu'il fût si éloigné dans ce moment qu'il ne pouvait paraître publiquement. Elle m'arrêta tout court et me dit que ce n'était point son affaire. Toutes les dames qui se fiaient à ses soins étaient mariées pour elle. Toute femme, dit-elle, qui se trouve grosse d'enfant, a un père pour l'enfant, et que ce père fût mari ou non, voilà qui n'était point du tout son affaire. Son affaire était de me servir dans ma condition présente, que j'eusse un mari ou non. Car, madame, dit-elle, avoir un mari qui ne peut paraître, c'est n'avoir point de mari. Et par ainsi, que vous soyez femme mariée ou maîtresse, cela m'est tout un. Je vis bientôt que catin ou femme mariée, il fallait passer pour catin ici, de sorte que j'abandonnai ce point. Je lui dis qu'elle avait bien raison, mais que si je devais lui dire mon histoire, il fallait la lui dire telle qu'elle était. De sorte que je la racontais aussi brièvement que je le pus, et voici quelle fut ma conclusion. La raison, dis-je, pour laquelle, madame, je vous incommode de ces détails, n'est point tant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils touchent au propos de votre affaire. Mais c'est à ce propos, à savoir que je ne me soucie point d'être vue ni cachée, mais la difficulté où je suis, c'est que je n'ai point de connaissance dans cette partie du pays. « Je vous entends bien, madame, » dit-elle, « vous n'avez pas de répondant à nommer pour éviter les impertinences de la paroisse qui sont d'usage en telles occasions. Et peut-être, dit-elle, que vous ne savez pas bien comment disposer de l'enfant quand il viendra. La fin, dis-je, ne m'inquiète pas tant que le commencement. Eh bien, madame, répond la sage femme, oserez-vous vous confier à mes mains? Je demeure en tel endroit. Bien que je ne m'informe pas de vous, vous pouvez vous enquérir de moi. Mon nom est B. Je demeure dans telle rue, nommant la rue, à l'enseigne du berceau. Ma profession est celle de sage femme, et j'ai beaucoup de dames qui viennent faire leur couche chez moi. J'ai donné caution à la paroisse en général pour les assurer contre toute enquête sur ce qui viendra au monde sous mon toit. Je n'ai qu'une question à vous adresser, madame, dit-elle, en toute cette affaire. Et si vous y répondez, vous pouvez être entièrement tranquille sur le reste. Je compris aussitôt où elle voulait en venir et lui dit « Madame, je crois vous entendre. Dieu merci, bien que je manque d'amis en cette partie du monde, je ne manque pas d'argent, autant qu'il peut être nécessaire, car je n'en ai point non plus d'abondance. » J'ajoutai ces mots parce que je ne voulais pas la mettre dans l'attente de grandes choses. « Eh bien, madame, dit-elle, c'est la chose en effet, sans quoi il n'est point possible de rien faire en de tels cas. Et pourtant, dit-elle, vous allez voir que je ne vais pas vous voler, ni vous mettre dans l'embarras, et je veux que vous sachiez tout d'avance, afin que vous vous accommodiez à l'occasion et que vous fassiez de la dépense ou que vous alliez à l'économie, suivant que vous jugerez. » Je lui dis qu'elle semblait si parfaitement entendre ma condition que je n'avais rien d'autre à lui demander que ceci. Puisque j'avais d'argent assez, mais point en grande quantité, qu'elle voulut bien tout disposer pour que je fusse entretenu le moins copieusement qu'il se pourrait. Elle répondit qu'elle apporterait un compte des dépenses en deux ou trois formes, et que je choisirais ainsi qu'il me plairait, et je la priais de faire ainsi. Le lendemain, elle l'apporta, et la copie de ces trois billets était comme suit. 1. Pour 3 mois de logement dans sa maison, nourriture comprise, à 10 shillings par semaine, 6 livres, 0 shillings. 2 pour une nourrice pendant un mois et linge de couche, 1 livre 10 shillings. 3 pour un ministre afin de baptiser l'enfant, 2 personnes pour le tenir sur les fonts et un clerc, 1 livre 10 shillings. 4 pour un souper de baptême en comptant 5 invités, 1 livre 0 shilling. Pour ses honoraires de sage-femme et les arrangements avec la paroisse, 3 livres 3 shillings. À la fille pour le service, 0 livres 10 shillings. Total, 13 livres 13 shillings. Ceci était le premier billet. Le second était dans les mêmes termes. 1. Pour 3 mois de logement et de nourriture, etc., à 20 shillings par semaine, 12 livres 0 shillings. 2. Pour une nourrice pendant un mois, linge et dentelle, 2 livres 10 shillings. 3. Pour le ministre afin de baptiser l'enfant, etc., comme ci-dessus, 2 livres 0 shillings. 4. Pour un souper, bonbons, sucreries, etc., 3 livres 3 shillings. 5. Pour ses honoraires comme ci-dessus, 5 livres 5 shillings. 6. Pour une fille de service, 1 livre 0 shillings. Total, 25 livres 13 shillings. Ceci était le billet de seconde classe. La troisième, dit-elle, était 1 degré au-dessus, pour le cas où le père et les amis paraissaient. 1. Pour 3 mois de logement et nourriture, avec un appartement de 2 pièces et un galetas pour une servante, 30 livres 0 shillings. 2. Pour une nourrice pendant 1 mois et très beau linge de couche, 4 livres 4 shillings. 3. Pour le ministre afin de baptiser l'enfant, etc., 2 livres 10 shillings. 4. Pour un souper, le sommelier pour servir le vin, 5 livres 0 shillings. 5. Pour ses honoraires, etc., 10 livres 10 shillings. 6. La fille de service, outre la servante ordinaire, seulement 0 livres 10 shillings. Total, 52 livres 14 shillings. Je regardai les 3 billets et souris et lui dis que je la trouvais fort raisonnable dans ses demandes, tout considéré, et que je ne doutais point que ses commodités ne fussent excellentes. Elle me dit que j'en serais juge quand je les verrai. Je lui dis que j'étais affligée de lui dire que je craignais d'être obligée à paraître sa cliente au plus bas compte. « Et peut-être, madame, lui dis-je, m'en traiterez-vous moins bien ?»« Non, point du tout, dit-elle, car où j'en ai une de la 3e classe, j'en ai 2 de la 2e et 4 de la 1ère, et je gagne autant en proportion sur les unes que sur les autres. » Mais si vous doutez de mes soins, j'autoriserai l'ami que vous voudrez à examiner si vous êtes bien entretenu ou mal. » Puis elle expliqua les détails de la note. « Et d'abord, madame, dit-elle, je voudrais vous faire observer que vous avez là une pension de 3 mois à 10 shillings seulement par semaine. Je me fais forte de dire que vous ne vous plaindrez pas de ma table. » « Je suppose, dit-elle, que vous ne vivez pas à meilleur marché là où vous êtes maintenant. »« Non, vraiment, dis-je, ni même à si bon compte, car je donne 6 shillings par semaine pour ma chambre et je me nourris moi-même, ce qui me revient bien plus cher. »« Et puis, madame, dit-elle, si l'enfant ne doit pas vivre, comme il arrive parfois, voilà le prix du ministre économisé. » Et si vous n'avez point d'amis à inviter, vous pouvez éviter la dépense d'un souper. De sorte que si vous ôtez ces articles, madame, dit-elle, vos couches ne vous reviendront pas à plus de 5 livres 3 shillings de plus que ce que vous coûte votre train de vie ordinaire. » C'était la chose la plus raisonnable que j'eusse entendue, si bien que je souris et lui dis que je viendrai et que je serai sa cliente. Mais je lui dis aussi que, n'attendant rien avant 2 mois et davantage, je pourrais être forcée de rester avec elle plus de 3 mois, et que je désirais savoir si elle ne serait pas obligée de me prier de m'en aller avant que je fusse en condition de partir. « Non, dit-elle, sa maison était grande. » Et d'ailleurs, elle ne mettait jamais en demeure de partir une dame qui venait de faire ses couches, jusqu'à ce qu'elle s'en allât de son plein gré, et que, si on lui amenait plus de dames qu'elle n'en pouvait loger, elle n'était pas si mal vue parmi ses voisins qu'elle ne pût trouver disposition pour 20 s'il le fallait. Je trouvais que c'était une dame éminente à sa façon, et en somme, je m'accordai à me remettre entre ses mains. Elle parla alors d'autre chose, examina l'installation où j'étais, fit ses critiques sur le mauvais service et le manque de commodité, et me promit que je ne serais point ainsi traitée dans sa maison. Je lui avouai que je n'osais rien dire, à cause que la femme de la maison avait un air étrange, ou du moins qu'elle me paraissait ainsi depuis que j'avais été malade parce que j'étais grosse, et que je craignais qu'elle me fît quelque affront ou autre, supposant que je ne pourrais donner qu'un rapport médiocre sur ma personne. « Oh Dieu, dit-elle, cette grande dame n'est point étrangère à ces choses. Elle a essayé d'entretenir des dames qui étaient en votre condition. » Mais elle n'a pu s'assurer de la paroisse. Et d'ailleurs, une dame fort prude, ainsi que vous l'avez très bien vue. Toutefois, puisque vous partez, n'engagez point de discussion avec elle. Mais je vais veiller à ce que vous soyez un peu mieux soignée pendant que vous êtes encore ici, et il ne vous en coûtera pas davantage. Je ne la compris pas. Pourtant, je la remerciai, et nous nous séparâmes. Le matin suivant, elle m'envoya un poulet rôti et chaud et une bouteille de sherry et ordonna à la servante de me prévenir qu'elle restait à mon service tous les jours pendant que je resterais là. Voilà qui était aimable et prévenante à l'excès, et j'acceptai bien volontiers. Le soir, elle envoya de nouveau demander si j'avais besoin de rien, et pour ordonner à la fille de venir la trouver le matin pour le dîner. La fille avait des ordres pour me faire du chocolat le matin, avant de partir, et à midi, elle m'apporta un riz de veau tout entier et un plat de potage pour mon dîner. Et de cette façon, elle me soignait à distance. Si bien que je fus infiniment charmée et que je guéris rapidement. Car, en vérité, c'était mes humeurs noires d'auparavant qui avaient été la partie principale de ma maladie. Je m'attendais, comme est l'usage d'ordinaire parmi de tels gens, que la servante qu'elle m'envoya se trouverait être quelque effrontée créature sortie de Drury Lane, et j'en étais assez tourmentée. De sorte que je ne voulais pas la laisser coucher dans la maison la première nuit, mais que je gardais les yeux attachés sur elle aussi étroitement que si elle eût été une voleuse publique. L'honnête dame devina bientôt ce qu'il en était et la renvoya avec un petit billet où elle me disait que je pouvais me fier à la probité de sa servante, qu'elle se tiendrait responsable de tout, et qu'elle ne prenait jamais de domestique sans avoir d'excellentes cautions. Je fus alors parfaitement rassurée, et en vérité, la conduite de cette servante parlait pour elle, car jamais fille plus retenue, sobre et tranquille, n'entra dans la famille de quiconque, et ainsi je la trouverai plus tard. Aussitôt que je fus assez bien portante pour sortir, j'allai avec la fille voir la maison et voir l'appartement qu'on devait me donner. Et tout était si joli et si net qu'en somme je n'eus rien à dire, mais fus merveilleusement charmée de ce que j'avais rencontré, qui, considérant la mélancolique condition où je me trouvais, était bien au-delà de ce que j'avais espéré. On pourrait attendre que je donnasse quelque compte de la nature des méchantes actions de cette femme entre les mains de qui j'étais maintenant tombée. Mais ce serait trop d'encouragement au vice que de faire voir au monde comme il était facile à une femme de se débarrasser là du fait d'un enfant clandestin. Cette grave matrone avait plusieurs sortes de procédés, et l'un d'entre eux était que si un enfant naissait, quoique non, dans sa maison, car elle avait l'occasion d'être appelée à maintes besognes privées, elle avait des gens toujours prêts qui, pour une pièce d'argent, leur ôtaient l'enfant de dessus les bras et de dessus les bras de la paroisse aussi. Et ces enfants, comme elle disait, étaient fort honnêtement pourvus. Ce qu'ils devenaient tous, regardant qu'il y en avait tant, par le récit qu'elle en faisait, je ne puis le concevoir. Je tins bien souvent avec elle des discours sur ce sujet, mais elle était pleine de cet argument qu'elle sauvait la vie de maints agneaux innocents, comme elle les appelait, qui auraient peut-être été assassinés, et de maintes femmes qui, rendues désespérées par le malheur, auraient autrement été tentées de détruire ses enfants. Je lui accordai que c'était la vérité, et une chose bien recommandable, pourvu que les pauvres enfants tombassent ensuite dans de bonnes mains et ne fussent pas maltraités et abandonnés par les nourrices. Elle me répondit qu'elle avait toujours grand soin de cet article-là et qu'elle n'avait point de nourrice dans son affaire qui ne fussent très bonnes personnes et telles qu'on pouvait y avoir confiance. Je ne pus rien dire sur le contraire et fus donc obligée de dire « Madame, je ne doute point que vous n'agissiez parfaitement sur votre part, mais la principale question est ce que font ces gens ?» Et de nouveau elle me ferma la bouche en répondant qu'elle en prenait le soin le plus exact. La seule chose que je trouvais dans toute sa conversation sur ces sujets qui me donna quelque déplaisir, fut qu'une fois où elle me parlait de mon état bien avancé de grossesse, elle dit quelques paroles qui semblaient signifier qu'elle pourrait me débarrasser plus tôt si j'en avais envie et me donner quelque chose pour cela si j'avais le désir de mettre ainsi fin à mes tourments. Mais je lui fis voir bientôt que j'en aborais jusqu'à l'idée et pour lui rendre justice, elle s'y prit si adroitement que je ne puis dire si elle l'entendait réellement ou si elle ne fit mention de cette pratique que comme une horrible chose. Car elle glissa si bien ses paroles et comprit si vite ce que je voulais dire qu'elle avait pris la négative avant que je pusse m'expliquer. Pour abréger autant que possible cette partie, je quittai mon logement de Saint John's et j'allai chez ma nouvelle gouvernante, car c'est ainsi qu'on l'a nommée dans la maison, et là, en vérité, je fus traitée avec tant de courtoisie, soignée avec tant d'attention, tout me parut si bien que j'en fus surprise et ne pus voir d'abord quel avantage en tirait ma gouvernante. Mais je découvris ensuite qu'elle faisait profession de ne tirer aucun profit de la nourriture des pensionnaires, et qu'en vérité elle ne pouvait y gagner beaucoup, mais que son profit était dans les autres articles de son entretien. Et elle gagnait assez en cette façon, je vous assure. Car il est à peine croyable quelle clientèle elle avait, autant en ville que chez elle, et toutefois le tout à compte privé, ou en bon français, à compte de débauche. Pendant que j'étais dans sa maison, qui fut près de 4 mois, elle n'eut pas moins de 12 dames galantes au lit chez elle, et je crois qu'elle en avait 32 ou environ, sous son gouvernement, en ville, dont l'une logeait chez mon ancienne hôtesse de St. John's, malgré toute la pruderie que celle-ci avait affectée avec moi. Tandis que j'étais là, et avant de prendre le lit, je reçus de mon homme de confiance à la banque une lettre pleine de choses tendres et obligeantes où il me pressait sérieusement de retourner à Londres. La lettre datait presque de 15 jours quand elle me parvint, parce qu'elle avait été d'abord envoyée dans le Lancashire, d'où elle m'avait suivi. Il terminait en me disant qu'il avait obtenu un arrêt contre sa femme et qu'il était prêt à tenir son engagement avec moi si je voulais l'accepter, ajoutant un grand nombre de protestations de tendresse et d'affection telles qu'il aurait été bien loin d'offrir s'il avait connu les circonstances où j'avais été et que, tel qu'il en était, j'avais été bien loin de mériter. J'envoyai une réponse à cette lettre et la datai de Liverpool, mais l'envoyai par un courrier sous couleur qu'elle était arrivée dans un pli adressé à un ami en ville. Je le félicitai de sa délivrance, mais j'élevai des scrupules sur la validité légale d'un second mariage et lui dis que je supposais qu'il considérerait bien sérieusement ce point avant de s'y résoudre, la conséquence étant trop grande à un homme de son jugement pour qu'il s'y aventurât imprudemment, et terminai en lui souhaitant du bonheur, quelle que fût sa décision, sans rien lui laisser savoir de mes propres intentions ou lui répondre sur sa proposition de mon retour à Londres, mais je fis vaguement allusion à l'idée que j'avais de revenir vers la fin de l'année, ceci étant daté d'avril. Je pris le lit vers la mi-mai, et j'eus un autre beau garçon, et moi-même en bonne condition comme d'ordinaire en telles occasions. Ma gouvernante joua son rôle de sage-femme avec le plus grand art et toute l'adresse qu'on peut s'imaginer, et bien au-delà de tout ce que j'avais jamais connu auparavant. Les soins qu'elle eut de moi pendant mon travail et après mes couches furent tels que si elle eût été ma propre mère, ils n'eussent pu être meilleurs. Que nul ne se laisse encourager dans une vie déréglée par la conduite de cette adroite dame, car elle est maintenant dans sa bonne demeure et n'a rien laissé derrière elle pour indiquer le chemin. Je crois que j'étais au lit depuis 20 jours quand je reçus une autre lettre de mon ami de la banque, avec la surprenante nouvelle qu'il avait obtenu une sentence finale de divorce contre sa femme, qu'il lui avait fait signifier tel jour, et qu'il avait à me donner une réponse à tous mes scrupules au sujet d'un second mariage, tel que je ne pouvais l'attendre et qu'il n'en avait aucun désir. Car sa femme, qui avait été prise auparavant de quelques remords pour le traitement qu'elle lui avait fait subir, sitôt qu'elle avait appris qu'il avait gagné son point, s'était bien misérablement ôté la vie, le soir même. Il s'exprimait fort honnêtement sur la part qu'il pouvait avoir dans son désastre, mais s'éclaircissait d'y avoir prêté la main, affirmant qu'il n'avait fait que se rendre justice en un cas où il avait été notoirement insulté et bafoué. Toutefois, il disait en être fort affligé et qu'il ne lui restait de vue de satisfaction au monde que dans l'espoir où il était que je voudrais bien venir le réconforter par ma compagnie. Et puis il me pressait très violemment, en vérité, de lui donner quelques espérances et me suppliait de venir au moins en ville et de souffrir qu'il me vît, à quelque occasion il me parlerait plus longuement sur ce sujet. Je fus extrêmement surprise par cette nouvelle et commençai maintenant sérieusement de réfléchir sur ma condition et sur l'inexprimable malheur qui m'arrivait d'avoir un enfant sur les bras et je ne savais qu'en faire. Enfin, je fis une allusion lointaine à mon cas devant ma gouvernante. Je parus mélancolique pendant plusieurs jours et elle m'attaquait sans cesse pour apprendre ce qui m'attristait. Je ne pouvais pour ma vie lui dire que j'avais une proposition de mariage après lui avoir si souvent répété que j'avais un mari, de sorte que vraiment je ne savais quoi lui dire. J'avouai qu'il y avait une chose qui me tourmentait beaucoup, mais en même temps je lui dis que je ne pouvais en parler à personne au monde. Elle continua de m'importuner pendant plusieurs jours, mais il m'était impossible, lui dis-je, de confier mon secret à quiconque. Ceci, au lieu de lui servir de réponse, accrut ses importunités. Elle allégua qu'on lui avait confié les plus grands secrets de cette nature, qu'il était de son intérêt de tout dissimuler, et que de découvrir des choses de cette nature serait sa ruine. Elle me demanda si jamais je l'avais surprise à babiller sur les affaires d'autrui, et comment il se faisait que j'eusse du soupçon à son égard. Elle me dit que s'ouvrir à elle, c'était ne dire mon secret à personne, qu'elle était muette comme la mort, et qu'il faudrait sans doute que ce fût un cas bien étrange, qu'elle ne pût m'y porter secours. Mais que de le dissimuler était me priver de toute aide possible ou moyen d'aide, et tout ensemble la priver de l'opportunité de me servir. Bref, son éloquence fut si ensorcelante et son pouvoir de persuasion si grand qu'il n'y eut moyen de rien lui cacher.